の。あれ？du coup, c'est quoi? Ouais, ok. Ah, ok. Non. Non, je t'entends pas. Tu m'entends, toi? Toi? Non, je t'entendais pas. Et toi, tu m'entendais ou pas? Attends, mais peut-être que je me suis trompé de bouton parce que moi, je t'entendais avec Skype encore, hein. Peut-être ça qui est pas normal. C'est peut-être juste parce que je t'entendais avec Skype et du coup, ça a empêché l'autre de faire du son, non? Ouais, tiens. Voilà. Ouais, là, et je fais quoi? Là, ouais. Je t'entends avec Skype en fait, hein, mais c'est pas un son, c'est un son. Ouais, par contre, je l'entends pas le métronome entre parenthèses. Avant, je l'entendais.